الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Continuons inshallah l'explication du livre أعلام سنة المنصورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Donc on s'était arrêté à au cours précédent à la question numéro 77. Fayaqul Sheikh, donc à travers en fait les questions prochaines, le Sheikh en fait va rentrer dans le troisième pilier ou la troisième base de la foi, qui est en fait la croyance au livre d'Allah Azzawajal, la croyance au livre d'Allah. Donc on avait vu la croyance l'iman billah, l'iman bil malaika, c'est-à-dire la croyance Allah Azzawajal, ensuite la croyance en ses anges et maintenant la croyance en ses livres. Fayaqul le Shir rahimallahu ta'ala, ma dalil l'imani bil kutub, ma dalil l'imani bil kutub. Donc ça en fait c'est une question qui est classique, parce que pourquoi le Shir à chaque fois en fait qu'il va entamer un nouveau chapitre, en fait il demande en fait la preuve, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Donc par rapport à ça, le Shir nous demande maintenant quelle est la preuve de la foi au livre bien sûr d'Allah Azza wa Jal. Donc il nous dit le Cheikh rahimallahu ta'ala au niveau de la question adillatuhu kathiratun minha qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa qawluhu ta'ala قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآية وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Donc en fait le Cheikh va répondre avec plusieurs versets du Coran. En fait on va en prendre exactement deux. Donc le premier c'est ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Ça en fait c'est dans Sourate les femmes An-Nisa et c'est le verset numéro 136. Donc ça en fait c'est l'un des versets que nous donne le Cheikh pour nous prouver l'authenticité de la foi au livre d'Allah Azzawajal. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager. Donc ici au livre wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi al-maqsoud, la signification c'est le Coran. Et ensuite, donc ça en fait c'est pour le premier verset, donc ça c'est une preuve par rapport à la croyance au livre d'Allah Azzawajal, à tous les livres d'Allah Azzawajal, que ce soit le Coran et ceux que qu'il a fait descendre avant le Coran, sachant que le Coran, bien sûr, c'est le dernier livre qui a été descendu. Ensuite, il nous dit en fait, nous prenons le dernier verset, c'est en fait le verset, comme dit le Cheikh, il suffit en fait comme preuve. Ce verset seul suffit en fait comme preuve, et c'est le verset waqul amantu bima anzalallahu min kitab. Donc la personne qui apprend ce verset qui est court aura une preuve par rapport à l'authenticité de la foi au livre d'Allah Azzawajal. Donc le verset, c'est le verset qui se trouve dans Surat Ash-Shura, c'est-à-dire la consultation, et c'est le verset numéro 15. Donc la traduction, c'est « Et dit, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. » « Et dit, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. » Donc ça, on va voir en fait que ça, c'est en fait « Al-Iman al-Mujmal lil-Kutub »« Al-Iman al-Mujmal lil-Kutub » Donc on va voir en fait que quand on parle de l'iman ou bil kutub, c'est-à-dire la foi au livre, on va voir qu'il y a une foi qui est en fait considérée comme générale, l'iman ou mujmal, et une foi, la foi qui est considérée comme détaillée, l'iman al-mufassal. Donc on va voir en fait pourquoi les savants utilisent en fait ce terme pour désigner les deux sortes de foi pour ce qui concerne les livres. Ensuite, le Cheikh il nous dit à la question numéro 72 ou 78, la question numéro 78. هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ Donc en fait la question c'est la suivante: est-ce que les livres ou tous les livres ont été nommés dans le Coran? Est-ce que tous les livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre ont été nommés dans le Coran. Donc ça, c'est la question du shirk. Parce que tous les livres qu'Allah Azzawajal a fait descendre sur ses envoyés ont été nommés par leur nom dans le Coran. Donc ça, c'est la question. Fayaqul al-Shaykh rahimahullah ta'ala samma Allah minha fi al-Qur'an huwa, c'est-à-dire le Coran, wa at-Tawra wa al-Injil wa al-Zabur wa al-Suhuf Ibrahim wa Musa wa dhakara al-Baqi jumlatan faqala ta'ala الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقال تعالى وآتينا داود زبورا وقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان ليقوم الناس بالقسط فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الشيخ en fait il va nous citer plusieurs versets. Dans ces versets-là, il va nous faire part des livres qui ont été cités dans le Coran. Donc en fait, pour répondre directement à cette question-là, la question en fait c'est que est-ce que tous les livres ont été cités dans le Coran, tous les livres qu'Allah a déjà fait descendre? Donc la réponse, non. Il dit en fait, ils n'ont pas tous été cités par leur nom. Il y en a soumiyat. Ils n'ont pas été cités par leur nom, mais il en a cité en fait exactement 5. Il en a cité 5. 5 livres sont cités dans le Coran. Et le reste, ils ont été cités de façon générale, de façon globale. Donc on ne sait pas les autres noms de ces livres. Mais nous devons y croire. Comme nous dit le chien en fait, et ça on revient, et ça c'est la fin de la réponse. Donc le premier verset qu'il nous donne le chien, et donc en fait c'est pour témoigner et pour avoir une preuve de trois des livres qui sont en fait le Coran, qui est le Coran, le livre de cette communauté, la communauté musulmane, et ensuite la Torah et l'Évangile. La Torah, qui est la Torah, et l'Évangile, ou l'Injil. Donc ça, c'est dans le verset, la famille d'Imran. C'est le verset, en fait, numéro 3. Le 2 et le 3, Nam. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, Nam. Il a fait descendre sur toi le livre avec vérité. Il a fait descendre sur toi le livre avec vérité. Donc ici, c'est le Coran. Confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc ça, c'est une preuve pour ce qui est de ces trois livres. Ensuite, le verset suivant, c'est le verset qui se trouve dans la Sourate les Femmes. Le verset numéro 163. Le verset 163 dans la Sourate les Femmes. Et ça, c'est une preuve du nom du livre qui a été donné à David, qui s'appelle David, c'est-à-dire Daoud, qui s'appelle Zabour. Zabour, Naam, Zabour. Donc nous avons donné le Zabour à David. Nous avons donné le Zabour à David. Ça c'est le verset numéro 63. Et en fait le terme Zabour vient du verbe Zabara Yasbour. Zabara Yasbour. Ça c'est en fait le verbe Zabara. Et en fait lorsqu'on dit Yasbour el Kitab, yani Katabahu, yani Yaktub el Kitab. Donc ça veut dire écrire. Le terme Zabara ça veut dire écrire. En fait écrire le livre. Donc d'où le terme Az-Zabour. Et c'est en fait, Zabour, bien sûr, c'est un nom propre, c'est considéré comme un nom propre. C'est pour ça qu'en fait, lors de la traduction, il n'est pas traduit, il est pris comme il est, comme le Coran. Le Coran, on dit pareil pour Zabour, le Zabour, et qui est en fait le livre propre à David, alayhi salam, Daoud, alayhi salam. Et ensuite, le verset suivant, c'est le verset qui nous donne la preuve des feuilles, ou des feuillets, qui ont été donnés à qui? À Moïse, alayhi salam. Et avant lui, à Ibrahim, alayhi salam. Donc ça, c'est dans la preuve de cela, c'est dans le verset numéro 36-37 de Surat Najm, c'est-à-dire l'étoile, de Surat l'étoile. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham ou d'Ibrahim, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre? Donc ça, c'est le verset 36-37 de Surat l'étoile. Et c'est une preuve. Le livre qui a été donné à Moïse et Ibrahim a été nommé. Il s'appelle Suhuf, c'est-à-dire Suhuf, qui veut dire en fait, qui sont traduits par les feuilles ou les feuilles. Ensuite, le cheikh donc il nous dit na'am. Donc ça c'est une question qui est importante au niveau de la croyance par rapport au livre d'Allah Azzawajal. Il nous dit que ce qui a été nommé en détail, donc ces cinq livres, nous devons y croire en détail. C'est-à-dire que notre croyance ou notre foi par rapport à ça doit être en détail. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire par là le cheikh lorsque l'on dit les autres savants lorsqu'ils disent imam ou fassal, ils veulent dire en fait que lorsqu'on connaît un livre, en l'occurrence ici c'est par rapport au livre, on connaît un livre bien précis par son nom, on doit y croire de par son nom et qu'il a bel et bien été descendu sur le prophète qui est concerné, par exemple comme Zabour qui était descendu à Daoud. Donc ça on sait, on nous l'a, Allah Azzawajal nous l'a appris à travers le Coran, donc nous devons y croire, nous devons croire en fait à ce détail. Donc c'est pour ça qu'on dit imanun mufassal, c'est-à-dire une foi qui est détaillée. Et lorsqu'il dit ensuite le shirk imanun mujmal ou ijmal, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les autres livres n'ont pas été décrits en détail dans le Coran. Mais donc nous, qu'est-ce que nous devons, quelle est notre foi par rapport à ces livres-là qui n'ont pas été décrits de façon détaillée dans le Coran? Nous devons y croire de façon générale. Comme ils nous ont été décrits de façon générale, mujmalan, donc nous devons y croire de façon générale. Donc nous devons croire qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre d'autres livres qui ne sont pas simplement ces cinq livres. Mais notre croyance doit être en fait mujmal, c'est-à-dire doit être générale. Pourquoi? Ou globale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne connaît pas les noms de ces autres livres. Allah Azzawajal ne les a pas informés, mais on sait qu'ils sont présents. Donc c'est pour ça qu'on dit imanun mujmal wa imanun mufassal. Et ça c'est pareil en fait, fi masalat al-malaika. Ça revient pareil à la question, ce qu'on a vu, la question des anges, par rapport à la croyance, par rapport aux anges. On a vu que ceux que l'on connaît leur nom et ceux qu'on sait, ceux qui n'ont été désignés, que leur travail était désigné, la tâche pour laquelle ils sont chargés ont été désignés, nous devons y croire comme tel, c'est-à-dire mufassalan, mufassalan, imanun mufassal. Et ceux que les autres anges que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les noms, ils sont nombreux, nous devons y croire de façon mujmal, imanun mujmal. Donc voilà le farq ben al-iman al-mufassal ou al-iman al-mujmal. Ensuite, le cheikh nous pose à la question numéro 79. Il nous pose à la question 79, il nous dit Ma ma'na al-iman bi kutubillahi azza wa jalla. Donc, quelle est la signification de la foi au livre d'Allah azza wa jalla? Lorsqu'on dit la foi au livre d'Allah azza wa jalla, quelle est cette signification? Qu'est-ce que veut dire en fait cette foi-là? Donc, le cheikh en fait, il va nous répondre à cette question-là. Il nous dit, cheikh, rahimullah ta'ala, معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملك ومنها ما بلغه الرسول الملك إلى الرسول البشر ومنها ما كتب الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل وقال تعالى وآتينا داود زبورا وتقدم ذكرها باللفظ التنزيل وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Donc en fait le cheikh va nous donner encore une fois beaucoup de versets qui en fait nous expliquent comment nous devons croire en la foi au livre d'Allah Azza wa Jal, en la foi au livre d'Allah Azza wa Jal. Donc parmi les versets qu'il va nous donner, tout d'abord qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Tout d'abord il nous dit ma'nahu tasdiqul jazim, c'est-à-dire croire de façon ferme que l'ensemble des livres ont été descendus d'auprès d'Allah Azzawajal ou d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire croire de façon ferme. At-tasdiq ou al-jazim. Donc on voit qu'en fait ce terme revient à chaque fois. Lorsque le cheikh en fait nous demande comment doit être notre foi par rapport à des questions bien précises qui sont en relation avec la croyance, il nous dit At-tasdiq al-jazim. Donc at-tasdiq, c'est en fait le fait de croire, de croire de façon ferme que l'ensemble des livres ont été descendus munazzal min indillah, ont été descendus de près d'Allah Azzawajal, donc c'est lui qui a fait descendre tous ces livres, et ça nous devons avoir une foi ferme par rapport à cela. Donc par exemple le Coran par rapport à l'évangile, par exemple l'évangile, nous devons avoir croyance ferme qu'Allah Azzawajal a fait descendre l'évangile sur qui? Sur Jésus, sur Isa alayhi salam. Donc la personne qui, après avoir eu la connaissance des versets du Coran qui nous précisent, donc on a imanun mufassal, qui nous précise en fait que le livre qui était descendu sur Jésus qui s'appelle l'évangile et qu'il a bien été descendu sur lui, donc la personne parmi les musulmans qui mécroit à cela va en fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a mécru en une information qui est révélée dans le Coran, une information qui est claire. Donc c'est pour ça qu'il nous dit le shirk, il faut avoir la foi ferme par rapport à la croyance que tous ces livres là ont été descendus de la part d'Allah Azzawajal. Ensuite, un deuxième point qui est très essentiel au niveau de la croyance des gens, de la sunna et du consensus en ce qui concerne les livres. يقول الشيعة أن الله تكلم بها حقيقة وأن الله تكلم بها حقيقة. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah عز وجل croit qu'Allah عز وجل a parlé, تكلم بها, a parlé à travers son livre réellement, de façon réelle. C'est-à-dire que Allah عز وجل a réellement parlé. Allah عز وجل a réellement parlé dans son livre, qui est que ce soit le Coran ou que ce soit l'Évangile ou que ce soit la Torah ou les livres d'avant, qu'Allah Azza wa Jal a bel et bien parlé dans son livre de façon réelle, haqiqatan wa hadha radd ala man. Donc ça, on l'a vu déjà auparavant, c'est en fait pour répondre aux gens qui disent que en fait que le Coran, et ça on va revenir à cette question essentielle par rapport à la croyance des gens de la sunna et du consensus en ce qui concerne le Coran et en ce qui concerne les autres livres précédents, qu'Allah Azza wa Jal a réellement parlé et a réellement parlé à travers ce livre. Donc ça, c'est pour réfuter en fait ce que disent les innovateurs, ceux qui disent que le Coran est en fait un livre qui est créé, pour dire en fait que le Coran n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, pour dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ensuite il dit فَمِنْهَا الْمَسْمُعُ مِنْهُ, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, que les prophètes, certains prophètes ont entendu d'Allah Azza wa Jal directement sa parole. Et c'est comme le cas de Moussa, comme on va voir le verset plus tard, parce que le shir nous dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, c'est-à-dire qu'il lui a parlé directement, que Allah Azza wa Jal a parlé Moussa directement. Et ça, on va revenir sur ce verset. On l'avait déjà expliqué aussi ce verset, on était revenu dessus par rapport au cours précédent, au cours de Tawhid précédemment. Donc il nous dit وَفَمِنْهَا الْمَسْمُعُ مِنْهُ تَعَالَى مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بِدُونْ وَاسِطَةِ الرَّسُولِ الْمَلَكِ, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui ont été entendus d'Allah Azza wa Jal directement, sans de derrière un voile, c'est-à-dire qu'il y avait un voile entre le messager et Allah Azza wa Jal, et qu'à ce moment-là, le messager, taban de parmi les humains, a entendu le message d'Allah Azza wa Jal, a entendu le message directement d'Allah Azza wa Jal, sans qu'il y ait en fait entre le messager d'Allah, de parmi les humains, un messager de parmi les anges. Donc, d'un wasita, c'est-à-dire sans intermédiaire. Directement d'Allah Azza wa Jal, entre Allah Azza wa Jal et l'envoyé, un voile, hijab. Ou, comme il nous dit, c'est le premier cas pour ce qui était dit directement. Ensuite, le deuxième cas pour ce qui a été transmis par l'intermédiaire donc d'un ange, Et en fait, à l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu en fait la révélation par l'intermédiaire de qui? De l'ange Gabriel, comme tout le monde le sait. Donc ça, c'est en fait la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, comme il nous dit le shirk, وَمِنْهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِيَدِهِ, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal a écrit de sa propre main. الدليل على ذلك, le verset وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, Donc on va voir en fait la preuve par rapport à ça. Donc on répète, ce qui a été entendu directement de derrière un voile, ce qui a été entendu par l'intermédiaire d'un ange, et la troisième, ce qui est écrit directement par Allah Azzawajal. Donc pour ce qui est des deux premiers, des deux premières catégories, le shir donc nous a cité le verset, qui est le verset en fait qui se trouve dans, dans la sourate La Consultation, qui est le verset qui se trouve dans la sourate La Consultation. Et c'est le verset numéro 51. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un message, un ange, qui révèle par sa permission ce qu'il, Allah, ce qu'il veut. Il est sublime et sage. Donc on voit que ici, qu'Allah Azzawajal, comme il nous dit dans ce verset-là, qu'il parle par révélation, Illa wahya. Aw min wara'i hijab. Donc ce qui est derrière, donc ça c'est la preuve par rapport à ce qui est écouté derrière, directement de derrière un voile, ou ce qui a été transmis par le Aw yursila rasulan fa yuhiya bi'idni, c'est-à-dire ce qui a été transmis par l'intermédiaire d'un ange. Ensuite, il nous cite aussi le verset de sourate les lames, c'est-à-dire Araf, c'est le verset numéro 144. Et Allah dit: ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et ma parole. Et ensuite le verset suivant, qui est le verset en fait 145, le verset qui le suit, et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses, les lames. Donc le surat les lames. Donc ça c'est une preuve qu'Allah Azzawajal a écrit les tablettes de Moïse de par sa propre main, biyadi, comme c'est en fait la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et ensuite le shir, il va ensuite répéter les autres versets qu'il nous a dit auparavant et qui nous prouvent en fait qu'Allah Azzawajal a donné à Jésus l'évangile et qu'il a donné à Daoud Zabura. Et ensuite il nous donne aussi la preuve par rapport au Coran et comment il était descendu à travers le verset qui nous cite le shir, et c'est le verset qui sur 192 à 195 et qui se trouve dans Sourate les Poètes, et qui en fait nous est décrit comment ce Coran est descendu. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, donc l'Esprit fidèle qui est Jibril, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire, Donc ça c'est Sourate des Poètes. Ensuite le shir nous pose une autre question par rapport au Coran, précisément par rapport au Coran. Fayaqul al-shir rahimahullah dans la question numéro 80: ma manzilatul Qur'ani min al-kutub al-mutaqaddima. Donc quelle est la place, quel est le rang du Coran parmi les autres livres, quel est le rang en fait du Coran, du livre qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc sur cette qui est le livre de cette communauté musulmane, quelle est en fait la place de ce livre parmi les autres livres. Donc il nous répond, le cheikh, en nous citant directement des versets. Fayaqul rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala fihi wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yaday min al-kitabi wa muhaiminan alayhi. Qala ta'ala wama kana hadha al-quran an yuftara min duni Allah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف والتبديل والتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك. En fait, le cheikh, à travers ces versets qu'il nous cite, qui nous cite, il va en fait nous donner, de par le Coran lui-même, la place qu'occupe le rang qu'a le Coran par rapport aux autres livres. Le verset de la sourate Al-Ma'idah, c'est-à-dire la table servante. Et c'est le verset numéro 48. Et sur toi, c'est-à-dire moi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Donc en fait le shir, il nous donne en fait l'explication du terme ومهيمنا عليه. Donc on voit ici, comme au verset que l'on a expliqué précédemment, que lorsque le terme est employé ici, al-kitab, et qui est en fait au masculin al-kitab, donc son pluriel est al-kutub, la signification ici c'est le jar en fait des livres. Donc ça va en fait confirmer tous les autres livres. Donc yaqul al-shir, dans un premier temps, le ma'na al-muhaiminan qui donne en fait confiance, ou qui en fait prouve que les livres d'auparavant qui ont été descendus sur les autres prophètes, que par ce livre du Coran, sont des livres qui sont en fait des livres sincères, qui sont des livres qui ont été descendus avec vérité. Et en fait, wa shahidan, c'est-à-dire qu'ils témoignent de la présence de ces livres, et aussi ils attestent de leur véracité. C'est pour ça qu'il dit aussi le shir, musaddiqanna. Donc il atteste de la véracité des livres qui ont été descendus auparavant. Donc nous, le croyant musulman, lorsqu'il dit qu'il croit en la Torah qui a été descendue sur Moïse, il dit en fait que le Coran, lorsqu'il était descendu bien après lui, il est en fait venu confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. De même pour ce qui est de l'Évangile, de même pour ce qui est des livres qui ont été descendus précédemment. Donc ça en fait c'est la croyance de tout musulman par rapport au Coran et par rapport aux livres qui ont été descendus auparavant. Donc en fait le Coran est descendu ici pour en fait attester de la véracité de ces livres, et pour attester aussi de témoigner de leur présence, de leur véracité, et pour dire en fait que ces livres ont été bel et bien descendus de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça veut dire, c'est l'explication du terme wa muhaiminan alayhi. Donc le shir en fait yaqul ya'ni yusaddiqu ma fiha min as-sahih, c'est-à-dire qu'il atteste ce qu'il y a de véridique dans le livre. Donc maintenant, comme tout le monde le sait, et comme cela a été prouvé par les savants, et notamment un des grands savants qui a beaucoup travaillé par rapport à ceci, qui est le Cheikh Ahmed Didat, rahimahullah ta'ala, qui en fait fait beaucoup de travail pour en fait prouver que les livres qui ont été descendus, et notamment l'Évangile, ont été des livres qui ont été falsifiés par rapport à ce qui a été descendu dans un premier temps sur les prophètes, que ce soit par exemple la Torah pour Moïse, et que ce soit l'Évangile par rapport à ou pour Jésus. Donc il dit wa yusaddiqu ma fiha min as-sahih, c'est-à-dire que le Coran prouve ce qu'il y a d'authentique dans la Torah et dans l'Évangile. Wa yanfi ma waqa'a fiha min tahrifin wa tabdilin wa taghyirin, c'est-à-dire qu'il rejette tout ce qui a été tahrif, en fait qui a été altéré, min tahrifin, tout ce qui a été altéré, wa tabdil, tout ce qui a été échangé, les paroles qui ont été échangées, wa tahrir, tout ce qui a été changé de façon générale. Donc tout ça, en fait, le Coran, il prouve des altérations qui ont été commises et des changements dans la Torah et dans l'Évangile. Wa yahkum alayha bin nasri aw taqrir, c'est-à-dire il juge de ce qu'il y a de versets comme étant abrogé ou il en confirme sa validité. C'est-à-dire qu'il va avoir des versets qui vont se trouver dans les livres d'avant, des versets qui sont authentiques, qui sont bel et bien dans l'Allah Azza wa Jalla. Mais ces versets-là vont être quoi ? Vont être abrogés. Ces versets-là vont être abrogés par le Coran lui-même. Donc ça aussi c'est la croyance que nous devons avoir. Peut-être qu'il va avoir un verset qui se trouve dans la Torah, ou qui va se trouver dans l'Évangile, un verset qui va être authentique, mais ce verset-là a été abrogé par le Coran. Comme le Coran abroge abrogé de ses propres versets. Le Coran abroge par ses versets des autres versets, comme c'est connu chez les gens de science. Ou at-taqrir, c'est-à-dire que les autres versets, taqrir, c'est-à-dire qu'il va confirmer et affirmer les autres versets qui sont authentiques dans les livres précédents. Donc, imman nasr, abroger ou confirmer leur présence. C'est-à-dire qu'en fait, le hukm, c'est-à-dire la loi qui va se trouver dans ce verset-là, va être également mis en application dans d'autres versets du Coran. Donc c'est pour ça qu'il nous dit le cher, c'est donc pour cela que ceux qui sont accrochés au livre précédent, ceux qui vraiment qui avaient la foi au livre précédent, les vrais croyants, que ce soit parmi les juifs ou que ce soit parmi les croyants, ou parmi les chrétiens, lorsque ils vont entendre le Coran et qu'ils sont accrochés à leur livre, c'est-à-dire le livre avant qu'il soit, bien sûr, c'est entre parenthèses le livre avant qu'il soit falsifié, les gens du livre, lorsqu'ils vont entendre en fait le Coran, ils vont savoir vraiment que c'est la vérité, que c'est la parole d'Allah Azzawajal. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait que confirmer ce qu'il y avait dans leur livre, de par la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit le shirk, c'est donc pour cela que ceux qui sont accrochés au livre précédent se soumettent à lui, ça veut dire qu'ils vont se soumettre à ce Coran, ils vont savoir en fait, ils vont se soumettre par rapport à ces lois, ils vont savoir en fait que c'est réellement la parole d'Allah Azzawajal. Ensuite il nous dit, sauf ceux qui se détournent, c'est-à-dire ceux qui se sont bien sûr détournés de la vérité, qui ont fait en fait volte-face, qui n'ont pas voulu accepter la vérité. Taïd. Ensuite à la question numéro 81. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ماذا الذي يجب التزامه من في حق القرآن على جميع الأمة ماذا الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة. Donc la question 80 c'est qu'est-ce qui incombe en fait à toute la communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane, par rapport ou en ce qui concerne le droit du Coran, en fait quel est le droit du Coran envers la communauté musulmane. Donc qu'est-ce qui incombe à la communauté musulmane par rapport à ce livre. Qu'est-ce que nous on doit faire en fait par rapport à ce livre. Donc il y a quoi le shir rahimullah ta'ala wa tiba'u zahiran wa batinan wa tamassuk bihi wal qiyam bi haqqihi. Qala Allah ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Wa qala ta'ala اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث. Donc en fait le shir va d'abord nous expliquer qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'il incombe à chaque musulman par rapport au droit du Coran, par rapport à ce qui concerne le Coran. Il dit c'est le suivre. Wa ittiba'u, c'est suivre le Coran, c'est-à-dire suivre ce qui est contenu dans le Coran, par rapport à ses lois, par rapport à ses croyances. Tout ce qui est contenu dans le Coran, nous devons le suivre. Nous devons suivre la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa ittiba'u zahiran wa batinan. C'est-à-dire le suivre en apparence, c'est-à-dire toutes les lois qui concernent les choses qui sont apparentes, nous devons les appliquer. Tayyib, kadalik, yaqul ash-shaykh wabatina. Tout ce qui, par exemple, concerne les croyances. Tout ce qui concerne les croyances, nous devons les appliquer dans un premier temps dans notre cœur. Nous devons appliquer ces croyances, nous devons y croire dans notre cœur. Donc ça revient, hein, c'est ce qui rentre dans le terme wabatina. Aussi, on peut dire c'est y croire, c'est-à-dire appliquer les lois de façon extérieure et les appliquer aussi à l'intérieur de nos cœurs, c'est-à-dire avoir une réelle foi en ces lois par rapport à notre ou dans notre cœur. Watamassuku bihi, c'est-à-dire s'accrocher à ce livre. Non seulement c'est le suivre, mais s'accrocher. C'est-à-dire le terme watamassuku bihi, tamassuk, c'est le fait de s'accrocher avec force à quelque chose. Tamassoukbi, c'est s'accrocher avec force à quelque chose. Donc là, nous devons nous accrocher à ce livre avec force. C'est-à-dire que nous devons y appliquer le droit de ce livre, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le contenu de ce livre. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui incombe à tout musulman par rapport au livre d'Allah Azzawajal, par rapport au Coran. Non, mais ensuite le cheikh, donc, il va nous citer un verset, c'est le verset qui se trouve dans surat les bestiaux, Al-An'am, les bestiaux, et c'est le verset numéro 155. Et voici un livre, le Coran. Donc là, c'est le Coran. وَهَذَا كِتَابٌ. Et voici un livre, béni, مُبَارَكٌ. أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. C'est-à-dire béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. C'est-à-dire, مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. Donc ça, c'est un dalil à la hache, à l'ittiba. قَالَا الشَّيْخُ هُوَ اِتِّبَاعُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Donc ça, c'est un dalil à la Al-Ittiba' Kitabillah, c'est-à-dire le fait de suivre le livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est le verset 155, surat les bestiaux. Ça, c'est un dalil sur le fait de suivre pas à pas le livre d'Allah Azza wa Jalla. Il nous donne aussi le shir une autre preuve par rapport à ce qu'il dit. Il nous a dit aussi le shir wa tamassukubi. On avait dit c'est le fait de s'accrocher avec force. Il nous cite un verset du Coran. Prouvez ce qu'il a dit. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم. Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière. Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière. Donc ça, c'est le verset numéro 170, sourate les lames. Le verset numéro 170, sourate les lames. Et ceux qui se conforment au livre. Ils traduisent ici والذين يمسكون بالكتاب. Mais donc, c'est se conformer, c'est s'accrocher à ce livre avec force. Ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Donc ça, c'est en fait le surat, les lames, et le verset 170. Et le chien, en fait, il nous a cité un verset auparavant, et qui est en fait aussi une preuve par rapport au fait, à l'obligation de suivre le livre d'Allah Azzawajal. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Donc ça, c'est le verset qui se trouve aussi dans le surat l'Elam et qui est le verset numéro 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Donc ça, c'est pour les versets du Coran qui nous prouvent en fait ce que le musulman doit faire vis-à-vis du Coran, ce qui incombe aux musulmans par rapport au droit du Coran. Ensuite, il va nous citer deux hadiths pour encore confirmer ce qu'il dit, le shir. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui est importante. Et combien nous voyons de gens qui sont écartés du livre d'Allah Azzawajal, qui sont écartés de l'application du livre d'Allah Azzawajal, que ce soit sur eux-mêmes ou que ce soit sur ceux en fait qu'ils commandent. Donc le shir, il insiste sur cette question et il va nous citer deux hadiths en fait. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est rapporté aussi avant lui par l'imam Ahmed, qui est rapporté aussi par l'imam Ad-Darimi. C'est un hadith de Zayd ibn Arqam. Et donc c'est un hadith qui est authentique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez ce livre et accrochez-vous à lui. Prenez ce livre et accrochez-vous à lui. Fakhudhu bi kitabillah wa tamassaku bihi. C'est-à-dire c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez ce livre et accrochez-vous à lui. Donc ça, c'est un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve en fait ce qui nous incombe par rapport au droit du livre d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite le deuxième hadith qu'il nous cite, c'est un hadith yaqul wa fi hadith Ali marfu'an. Donc ça, c'est un hadith de Ali. Parce qu'il nous dit le shir marfu'an, en fait ça c'est une faïda qu'on peut donner. C'est en fait un terme conventionnel qu'utilisent les savants, pratiquement tous les savants, et plus particulièrement les savants qui sont spécialisés dans le sens du hadith, lorsqu'ils disent wa fi hadith Ali marfu'an. Donc Ali, radiallahu ta'ala anhu, c'est un sahabi, donc c'est un compagnon. Ensuite le cheikh nous dit marfu'an, c'est-à-dire marfu'an, Ali, radiallahu ta'ala anhu, a entendu ce hadith de qui? du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsqu'il dit marfou'an, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait dit wa fi hadith Ali alladhi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme s'il avait dit, lorsqu'il dit marfou'an, c'est comme si c'est la même expression, comme s'il avait dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ce terme mal marfou'an. En fait, qu'on peut traduire littéralement élevé, c'est-à-dire qu'il a élevé cette parole au prophète. C'est-à-dire qu'il a dit que cette parole-là, c'était celle du prophète et non la sienne. Donc c'est le contraire lorsqu'on aurait dit par exemple wafi hadith et Ali mawqufan, c'est-à-dire que ça aurait été ici la parole de Ali. Donc mawquf, c'est-à-dire mawquf ala as-sahabi, mawquf ala as-sahabi, c'est-à-dire que c'est un hadith qui s'arrête, la parole s'arrête ou se limite à qui? Aux compagnons. Donc c'est pour ça, lorsqu'on entend wafi hadith Ali mawqufan par exemple, ça veut dire que cette parole-là, ça va être la parole d'Ali. Et ça ne va pas être la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que cette parole-là s'arrête à qui? S'arrête à Ali. Par contre, lorsqu'on dit, comme c'est le cas, wafi hadith Ali marfou'an, c'est-à-dire élevé, c'est-à-dire que c'est un hadith en fait qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wafi hadith Ali marfou'an. Donc ça, en fait, c'est l'explication du terme marfou'an. C'est un terme qu'on trouve souvent dans les livres de science. Donc c'est un terme qu'il faut savoir. Lorsqu'on dit wafi hadith marfou'an ou fi hadith fulan marfou'an, il faut faire la différence pour savoir si c'est une parole en fait d'un compagnon ou pour savoir si c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaha satakun fitan. Hukm al hadith. Avant d'expliquer le hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est rapporté aussi par l'imam al-Darimi. Et c'est un hadith en fait qui est da'if, c'est-à-dire un hadith qui est faible. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un transmetteur ou un rapporteur qui est en fait qui est ba'if. Ça, c'est la première illa. C'est la première cause qui fait que le hadith est ba'if, c'est-à-dire qu'il est faible. Et ce rawi, ce transmetteur, c'est al-harith al-a'wa. Al-harith al-a'wa. Donc ça, c'est un rapporteur qui est faible, ba'if. Et la deuxième illa, il y a que l'on dit majhoul, qui est en fait inconnu, Et parmi les savants qui ont rendu ce hadith da'if, al-allama Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, al-allama Ahmed Shakir, fi ta'liqatihi ala sunan al-Tirmidhi. Donc il nous dit que ce hadith est da'if, bel da'if jiddan. Il dit que c'est un hadith qui est très très faible. Hadith da'ifun jiddan. En tous les cas, on traduit le hadith, inna satakun fitan, c'est-à-dire il va avoir des épreuves. Il va y avoir des épreuves, donc Qultu, donc c'est Ali man makhraj minha, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kitab Allah, c'est-à-dire quelle est en fait l'issue de ces épreuves-là, c'est en fait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le livre d'Allah azzawajal, mais c'est un hadith qui est da'if, c'est-à-dire c'est un hadith qui n'est pas authentique et dont le prophète, ou qui n'est pas authentifié pour dire que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.